Et quand le four fait du chiffre, on danse la macarena. Les darons voulaient que je fasse des longues études abusées. À l'école, ils bédavaient tous, donc je me suis mis à dealer. Ils bédavaient tous, donc je me suis mis à dealer. Et tu sais que mon bébé d'amour ressemble à Rihanna, que je dois m'occuper de ma famille un peu comme si j'étais l'aîné. 4 anneaux, dis-toi, ouvrant, je vois la luna. Je crois que j'ai même plus l'âge de traîner dans la CR. Y'a trop de noms, y'a trop de snitch. Et la ZML qui garde tout, a tout dit. Je claque même plus l'oseille, j'suis Gucci. Petit, faut que je rachète mon crédit. 14 points pour la Rolly, 70 points, putain de bolide. J'ai la vie de palace comme Zach et Cody. Sorry, sorry, je crois que j'en ai trop dit. Pas la peine de faire le beau, qu'inquiète, tu les as pas. J'fais d'argent grâce à mes mots. Bang, bang, pas de cinéma. Chiffon dans sa macarena, bang bang dans ton hall, fais pas le dedans. On trafic, c'est la police qui enquête. C'est la misère de nos HLM ou Mike. Elle ressemble à Shakira Beyoncé. Mais ville oubliée si on fuit. Le trafic, la musique, la phrase sera sûrement tragique. Tout un Versace qui arrive comme Biggie. Je m'en mon shooter, finir le boulot. C'est pas sûr que je vais rentrer, ma chérie. Charbon, bonheur et ma famille. La rue c'est prison, rampampam s'abuser. La rue c'est prison, rampampam s'abuser. La peine de faire le gros, 4 kills tu les as pas. J'fais de l'argent grâce à mes mots. Bang bang pas de cinéma. Avec les ballons, zipette, zipette, comme si j'étais Ronaldinho. Le terrain c'est 11h30, pas midi, enculé, t'as raté des clients. Y'a des olives à 150 et des plaques.